Je suis retourné sur les lieux d'un passé qui est déjà vieux. Voilà maintenant je suis loin de toi et je ne suis pas bien. Il n'y a rien de bon par ici, je ne suis plus de ce pays. Le parfum de l'air ferait peur aux survivants des grands malheurs. De ma fenêtre je vois les gens, je crois que j'en resterai là. Je sais que plus loin dans les rues, des mourants gisent inconnus qui ressemblent à mes souvenirs. Je n'ai pas envie de sortir, le temps s'écoule lentement. Il y a des renards de néant. Le temps s'écoule trop lentement, mais je te vois heureusement. Tu t'intercales de façon étrange entre les nuages et les meubles orange. Je pense à ton sourire et je vois tout s'évanouir. Le temps s'arrête et coupe court à l'enlisement pour un jour. De façon étrange entre les nuages et les meubles orange. Je pense à ton sourire et je vois tout s'évanouir. Le temps s'arrête et coupe.